Ah ja. Ton ego m'a validé. Moi je vise la qualité. Ton poteau m'a validé. J'suis dans des coups, t'as pas idée. A ton avis, je fais quoi à ton avis? J'suis dans les bisques, chérie ma vie. J'suis égoïste, question de survie. Si je le suis pas, du moins qui le sera. J'vais taffer toute la nuit. J'vais rider toute la night. J'arrive dans tout Paris. Oh yeah. J'arrive dans ma chops, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chops, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. Communiquer c'est pas mon dada, non. C'est trop monotone, reste là-bas, ouais. J'arrive dans le game en HD. Pour te faut savoir piloter. J'ai taffé toute la nuit. J'vais rider toute la night. J'arrive dans tout Paris. Oh yeah, yeah. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop. Faut pas forcer quand je te dis que c'est mort. Faut pas forcer quand je te dis que c'est mort. All eyes on me, tu le vois bien, pas le gamin. Tout est clean, regarde-moi, pas le gamin. J'vais taffer toute la nuit, j'vais rider toute la night. J'arrive dans tout Paris, oh yeah, yeah. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. Flop, flop, chop, chop. Flop, flop, chop, chop. Flop, flop, chop, chop. Flop, flop.